Tournez avec moi dans 1 Pierre. Nous allons continuer la première étude que nous avons commencée la semaine passée, qui avait pour titre « En attendant le ciel ». Quand nous regardons le Nouveau Testament, nous voyons une vérité. Qui m'a été rappelé un jour par un inconverti qui disait qu'il avait lu le Nouveau Testament et qu'il ne voulait faire pas partie, qu'il ne voulait pas faire partie du peuple de Dieu, car selon lui, le peuple de Dieu est un peuple qui souffrait. Ils ont lu le Nouveau Testament et on retrouve des gens qui souffrent pour leur foi. Et cela ne m'intéresse pas. Je crois qu'il avait bien vu. Laissez-moi vous lire quelques versets du Nouveau Testament pour, qui illustrent bien le fait que l'Église souffrait. Jésus dit à Paul, pas à Paul, mais à Ananias, « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Donc Paul, dès sa conversion, savait qu'il souffrirait pendant sa vie pour Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants. 2 Corinthiens 1, 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. 2 Corinthiens 1, 6. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Dans Philippiens 1, 29. Car vous avez fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Dans Colossiens, je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Et ce qui me manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Dans 1 Thessaloniciens, car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs de Christ les imitateurs des Églises de Dieu qui sont en Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Dans Timothée, dans 2 Timothée 1, 8, n'ai-je donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Il y a encore plusieurs autres versets que vous pourriez rechercher et vous verriez que l'Église souffre. Mais ici, attention, on ne parle pas de souffrance à cause des problèmes conjugaux. On ne parle pas de souffrance à cause des problèmes de santé. On ne parle pas de souffrance causée par une perte d'emploi ou par des crises économiques ou des tornades qui passent. Ce n'est pas ça dont on parle ici. Ici, on parle de souffrance à cause de l'Évangile. Et on pourrait lire dans Pierre, plusieurs versets, des dizaines de versets, où est-ce qu'on parle de souffrance. Pierre s'adresse à un peuple qui souffre pour Jésus, pour l'Évangile. Et c'est à cause de cette raison-là que l'Église qui souffre, Pierre va leur écrire ses livres pour l'encourager. Il dit dans 1 Pierre 5, 12, « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter, pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attaché est la véritable. » Chacun de nous, on a des limites dans la souffrance. Certains d'entre nous supportent plus ou mieux la souffrance physique que d'autres. J'entends souvent dire par des femmes que la femme peut supporter 9 fois plus de souffrance que l'homme, souffrance physique que l'homme. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour mesurer ça. Mais on dit. Spirituellement, il y en a qui sont capables de supporter plus de souffrance que d'autres. Mais chacun a sa limite. Et quand la souffrance devient trop intense, que faisons-nous? L'Église ici était prête à abandonner. Pierre leur dit, je vous exhorte, je vous encourage par les paroles que je vais vous dire. Je veux vous attester que c'est la vérité que vous avez entendue. Ici, je crois que les chrétiens à qui Pierre parle se posent la question, avons-nous cru à la bonne chose? Depuis que nous sommes chrétiens, nous souffrons plus qu'avant. Combien de gens se tournent vers Dieu pour enlever leur souffrance, peu importe la forme de la souffrance, ils veulent enlever ça. Et quand ça ne part pas, ils s'interrogent. La foi que j'ai, est-ce que c'est de la foi dans la bonne chose? Un jour, j'avais parlé avec ma soeur, la plus vieille de mes soeurs, et j'avais donné un cours en psychologie chrétienne pendant une vingtaine de cassettes. Elles avaient tout écouté. Et elle m'avait dit, François, si je deviens chrétienne, est-ce que Dieu va limiter les souffrances? Est-ce que Dieu va m'aider avec mon mari et mes enfants? Moi, je ne suis pas certain de ça du tout. Ça pourrait être même pire. Parce que peut-être qu'ils vont te rejeter à cause de la foi que tu as en Jésus. Peut-être qu'ils vont se moquer de toi. Peut-être qu'ils vont tous aussi devenir chrétiens. On ne sait jamais. Mais je ne peux pas te garantir ça. Mais si c'est comme ça ne m'intéresse plus. Elle m'a donné mes cassettes et c'était fini. Combien de gens se tournent vers une religion quelconque pour améliorer leur situation terrestre maintenant? Vous allez voir que Pierre, malgré que l'Église souffre, hein, à cause de l'Évangile, il ne leur donnera pas de méthode pour soulager leur vie. Il va leur donner autre chose afin de les aider à persévérer dans la vérité qu'ils ont reçue. Pour faire cela, il commence du verset 1 à 12, il va leur donner un principe chrétien ou une vérité chrétienne. Il faut toujours se rappeler que le salut que nous proclamons est un salut en étapes. Et il y a 4 étapes qu'on voit ici. La première étape qu'on a vue ensemble, c'était l'élection. Il dit au verset 1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été étrangers dispersés dans le pont, la Galatie et la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus. L'élection. La première chose qu'il leur dit, n'oubliez pas que vous avez été élus dans le passé par la préscience de Dieu le Père. Dieu vous a élus, Dieu vous a choisi avant le commencement du monde. Puis il vous a mis à part des autres par cet esprit qui est en vous. Ce qui nous met à part du monde, ce n'est pas notre capacité à s'abstenir de trop manger, ou s'abstenir de fumer, ou s'abstenir de voler. Ce qui nous met à part des autres, ce qui nous sanctifie, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et cet Esprit de Dieu qui habite en nous nous a rendus obéissants. Et on a vu ensemble, il ne parle pas d'obéissance aux 10 commandements, il parle d'obéissance à l'Évangile. Hein? Afin que vous participiez à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. Donc il dit, l'Esprit de Dieu vous a rendu obéissant à l'Évangile afin que vous soyez participants, que vous participiez au sang de Jésus-Christ. En participant au sang de Jésus-Christ, vous êtes sauvés par ce sang, si je peux dire ainsi. Vous êtes purifiés par ce sang. Vous êtes rachetés par ce sang. N'oubliez pas, vous avez été élus. Combien de fois Jésus a dit, Vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi. Vous ne m'avez pas choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Parce que je vous ai choisi, vous avez répondu oui. Et c'est moi qui vous ai choisi. Donc n'oubliez pas ça. Dieu vous a choisi et vous a sanctifié par l'Esprit de Dieu. Avec une bonne raison, avec un plan merveilleux. La deuxième chose que nous avons vue, c'est la régénération. La deuxième étape. Régénérer. Produire de nouveau, être né de nouveau, renouveler, faire renaître. D'une façon, on apprend le mot d'une façon métaphorique, avoir un esprit changé par une nouvelle vie en conformité avec la volonté de Dieu. Il dit dans le verset 3a, la base de la régénération, dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon la grande miséricorde nous a régénérés. » La base de sa régénération, c'est la miséricorde. Ça, le fait qu'il nous a régénérés n'a pas à voir, premièrement, avec notre capacité de dire oui, mais avec le fait que, dans sa miséricorde, il nous a régénérés. Mais il ne nous a pas régénérés pour qu'on ait une vie plus facile, mais pour nous donner une espérance vivante. C'est quelque chose de certains. L'espérance dans la Bible, c'est quelque chose de certain. C'est jamais quelque chose de peut-être. C'est sûr, c'est certain. Ce n'est pas quelque chose d'immédiat. Paul dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, il dit, Dieu vous a régénéré pour une espérance. L'apôtre Paul dit dans Romains 12:12, réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. Mais il dit, réjouissez-vous en espérance. Et Dieu vous a régénéré pour une espérance vivante, qui est immuable et qui est céleste. Dans verset 4, il dit cela, il vous attend dans les cieux. Une couronne d'héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Donc, ça c'est la deuxième étape. Il nous a élus, l'élection. Il nous a régénérés pour une espérance, un héritage immuable et céleste. Et troisièmement, verset 5, jusqu'à 9, l'étape de la protection. On a vu ça ensemble. Il dit, vous êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Ce n'est pas nous qui nous gardons. Dieu ne nous donne pas le salut et nous dit maintenant, organise-toi pour le garder. Et on est gardé par la puissance de Dieu et par la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans l'éternité. Donc il dit, il va vous garder jusque dans le dernier temps. Il va vous garder par la foi. Quand Dieu donne la foi à quelqu'un, cette foi-là, ne doute pas. La foi ne peut pas douter parce que c'est contre sa nature. C'est comme de dire que le foie peut chauffer. C'est comme, ça sent comme de dire que le feu refroidit. C'est contraire. La foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle croit. Donc, il nous a donné la foi. Et nous sommes gardés par cette foi-là. C'est pour ça que le chrétien dit souvent, sauver un jour, sauver toujours, parce que si j'ai la foi ne doute point, elle continue à fonctionner, peu importe ce qu'il arrive, peu importe les difficultés, peu importe la souffrance, la foi croit. Et c'est cette foi-là qui va donner la force de continuer. Je crois que ça devait être un grand encouragement ici pour les disciples qui souffraient. Dieu vous garde. Mais il ne vous garde pas des épreuves de la terre. Il ne vous garde pas des épreuves ici. Il vous dit, ah, il va vous garder de vos ennemis, vous ne souffrirez plus. Non, il vous garde attaché à la foi, à la vérité, pour que vous puissiez jouir du salut qui va arriver à la fin des temps et que vous allez jouir dans les cieux pour l'éternité. Si vous pensez que, à cause que vous êtes des croyants, que Dieu va vous protéger des douleurs de ce monde, vous mettez un doigt dans l'œil. Et ça va vous décourager parce que vous ne comprendrez plus ce qui se passe. Et nous allons voir la dernière pour ce soir. Non, je vais reculer un peu. Laissez-moi vous lire quelques versets, parce que les épreuves que nous avons ici-bas, les épreuves qui nous viennent à cause de Jésus-Christ, à cause de l'Évangile, je ne parle pas de l'épreuve d'avoir un mal au ventre si j'étais mangé de pizza. Combien de gens souffrent physiquement à cause qu'ils s'alimentent mal, ils vivent mal. Ils font aucune attention à leur état de santé. Et là, ils souffrent. Et là, ils disent, ah, ils souffrent. Et Dieu les fait souffrir. Dieu les éprouve. Non, ce n'est pas une épreuve. C'est juste une espèce de châtiment, je dirais. Hein? Des hommes et des femmes ne prennent pas soin de travailler leur couple. Ils se souffrent. Ils se divorcent, finalement. Et là, ils appellent ça des épreuves. Ce n'est pas des épreuves, c'est des châtiments. Parce qu'on n'a pas mis en pratique les principes de Dieu. Ici, il parle d'épreuves. Les épreuves sont, il dit au verset 6, car il le faut. C'est la même vérité que dans Jacques. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que soyez parfaits, accomplis, sans faillir à rien. Jacques parle à des gens qui souffraient aussi, qui étaient dispersés eux autres aussi. Il dit, regardez pas les épreuves comme des ennemis, mais comme des amis. Non pas qu'on doit les provoquer, mais les accepter comme des alliés. Parce qu'il dit, l'épreuve produit la patience, et la patience, la persévérance. Et c'est ce qu'on a besoin. Nous, on croit qu'on va persévérer dans la foi si tout va bien. Ce n'est pas cela. Dans Romains, c'est marqué, Romains 5, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu à nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Paul dit que l'affection produit la persévérance, la victoire, l'espérance. Donc, il ne faut pas les regarder comme des épreuves, mais comme des affiliés, des alliés. Au verset 7, l'apôtre Pierre dit, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, et cependant éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc, cette épreuve de notre foi va produire, si elle passe au travers, si je peux dire ainsi, la louange, la gloire et l'honneur. Pour nous. On va voir ça dans l'autre étape. Il dit au verset 8 et verset 9, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour l'appui de votre foi. » Donc il dit, « Si vous traversez cela, si vous continuez cela, si vous marchez par la foi, que Dieu vous a donné, cette foi que Dieu vous a donnée, vous allez être dans la joie, même à travers l'épreuve, parce que vous savez que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Ce qui nous donne la capacité de continuer, c'est la foi qu'il nous a accordée. Donc nous sommes gardés par la foi. C'est pour ça qu'il va le dire un peu plus loin. Résistez au diable avec une foi ferme. Il y en a qui pensent qu'ils vont résister au diable en s'imposant les mains, en faisant des prières quelconques au nom de Jésus, ils chassent les démons parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont réussir à vaincre l'ennemi. Ce n'est pas comme ça que Pierre dit ici. Pierre dit, l'ennemi va vous attaquer, c'est un lion rugissant, mais il dit, il va falloir que vous y fassiez face avec une foi ferme. Cette foi que Dieu vous a donnée, c'est avec ça que vous devez faire face à l'ennemi. Ce n'est pas avec un paquet de simagrées chrétiens, un paquet de simagrées religieux qu'on va vaincre l'ennemi. C'est avec la foi. Satan, c'est le menteur. Il va vouloir nous entraîner loin par le mensonge. Mais nous, il va falloir s'attacher par la foi à la vérité. Aux paroles du Christ qui nous déclare « Je t'ai élu, je t'ai régénéré, je te garde maintenant. Tout ce qui se passe, c'est dans mes mains. Je sais ce qui se passe, je sais comment ça marche, je sais ce qui se passe dans ta vie. Fais-moi confiance, marche par la foi. Tu ne vois rien, marche par la foi. » Nous allons voir maintenant la quatrième étape. Versets 10 et 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient songer l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont ils seraient suivis. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. J'appelle cette quatrième étape ici la glorification. Il dit, si vous voulez persévérer, si vous voulez continuer, regardez les modèles qui nous ont précédés. Modèle des prophètes, modèle des apôtres, modèle de Jésus. La gloire fut toujours précédée par la souffrance. Ils ont tous souffert. Ceux qui vous ont annoncé, les prophètes, vous ont parlé. Ils ont souffert pour vous annoncer cela. Mais ils ont même, la plupart d'entre eux, été martyrisés et tués. Mais la gloire leur a été donnée. Une de ces belles exemples qui est très imagée, c'est Élie. Après avoir passé toute sa vie à prêcher la parole de Dieu et à être rejeté et jamais aimé comme il aurait dû être aimé par le peuple d'Israël, Dieu est venu chercher sur un char de feu avec des chevaux. Okay. Un char de feu, il l'a monté au ciel. La gloire fut précédée de la souffrance. Les apôtres aussi. L'apôtre Paul dit ça, il dit, nous, les apôtres, nous avons souffert. Ils ont été glorifiés. Jésus a souffert et a été glorifié. Vous savez, pourquoi nous, on espérerait, on voudrait, on désirerait atteindre la gloire sans souffrir. Si lui a souffert pour nous, pourquoi est-ce qu'on ne souffrirait pas pour lui? Si Dieu le désire, si Dieu le veut. Il ne faut pas provoquer les souffrances, mais il faut accepter les souffrances au nom du Seigneur Jésus. La gloire est précédée des souffrances. Mais c'est quoi la gloire? C'est quoi la gloire? Être glorifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un super body ou un super corps tout bien musclé, ou on va avoir un corps tout svelte et on va avoir toute la gang 20 ans, puis on va tout être beau et gentil. Puis c'est pas ça la gloire. La gloire, c'est pas d'arriver au ciel et que Dieu va nous donner un beau genre puis une belle grosse maison. Il ne faut pas penser comme ceux qui sont dans l'islam, qui croient que s'ils meurent au nom d'Allah, ils vont avoir 50 vierges et une grosse maison. Être glorifié, c'est d'aller dans la présence de la gloire. Et la gloire, c'est Dieu. Dieu nous amène en sa présence. Nous sommes glorifiés. Quand Jésus a dit « Glorifie-moi », ça veut dire « Viens me chercher ». Amène-moi au ciel. Il dit « Glorifie-moi de la gloire que j'avais avant, quand j'étais avec toi ». Être glorifié, c'est être emmené dans la présence de Dieu. Et ce qui va nous arriver, cette espérance que nous avons, cet héritage que nous avons, même les anges dans le texte, les anges scrutent, veulent voir, veulent chercher à comprendre cette espérance, cet héritage qui nous attend. C'est tellement merveilleux. Quand on souffre, il n'y a rien de plus merveilleux que de s'arrêter et méditer sur ce qui nous attend. Il n'y a rien de plus encourageant et stimulant que quelqu'un mette une date, une fin à la souffrance. Et c'est donc plus facile à supporter quand nous savons que la fin vient. Si tu souffres aujourd'hui, puis je te dis, hey, demain, ça va terminer, tu ne souffriras plus. Oh, ça fait encore mal, mais oh, que ça l'aide, n'est-ce pas? Plus je connais la limite ou la fin, plus je sais, je crois qu'il y a une fin à tout cela et qu'après la limite, là, c'est un bonheur total et parfait et céleste. Ça veut dire, ok, j'accepte ça. J'accepte. Laissez-moi terminer avec un passage dans Jacques. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, quand l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. Il nous donne la grâce et la persévérance en son nom. Notre Père du ciel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que notre salut est en tes mains. Dans l'éternité passée, tu nous as choisis et élus. Dans le présent, tu nous as régénérés et tu nous protèges. Et dans l'avenir, tu nous offres la glorification. Seigneur, dans les moments difficiles, dans les moments de persécution, dans les moments de rejet, dans les moments de souffrance pour ton nom, donne-nous de nous rappeler ces grandes vérités-là. Que l'espérance qui est devant nous, cet héritage immuable et céleste, puisse toujours être pour nous un grand réconfort. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.